Exercice 4, page 28. A. Pour une personne. B. Face à la mer. C. Par ici, je vous prie. D. Donc un menu du jour. E. Avec un verre de blanc.